Chapitre 3. Quelques mois auparavant, les journaux du pays avaient été pleins de lui et de son histoire. Il n'y en avait d'ailleurs que deux ou trois, et il ne paraissait qu'une fois par semaine. C'était à l'occasion de sa mise en jugement pour fabrication de fausse monnaie. On avait donné dans les journaux la date de sa naissance. Il avait 28 ans. Il était né à Bourg-Saint-Pierre, qui est un village situé dans le fond d'une des vallées qui viennent se brancher sur celle du Rhône, à main gauche, s'enfonçant ensuite profondément dans la montagne vers le midi. Il était l'aîné de deux garçons et de deux filles. On racontait dans les journaux que tout petit encore, il n'avait pas plus de 14 ans, son père le prenait avec lui pour aller courir la montagne, étant connu au loin comme contrebandier. On n'était pas à plus d'une lieue de la frontière. Il chargeait le petit Maurice d'un sac, lui-même ayant sur le dos une hotte pleine de tabac. Ainsi, à ce qu'on racontait, Maurice Farinet avait été dressé à narguer de bonne heure les lois et le gouvernement. À 16 ans, disait-on, il avait déjà son fusil à lui. Et il s'en servait et son permis. Car Farinet, le père, ne faisait pas que de la contrebande. Il disait « De quel droit le gouvernement nous obligerait-il à payer pour tuer des bêtes qui sont sur le territoire de la commune et par conséquent à nous ?» Il lui arrivait souvent de boire un peu trop, au retour de ses expéditions, dans l'un ou l'autre des cafés qui se trouvaient sur son passage. Là, assis devant un litre de fendant et plein de force qui est dans le vin, « De quel droit ? C'est pourquoi je n'ai jamais rien payé, moi. » Il disait à son fils, « Toi non plus, tu ne paieras rien. Jamais. Jure-le. » Et Maurice le jurait volontiers parce qu'il était de l'avis de son père. Seulement, voilà que, deux ou trois ans plus tard, on avait trouvé le père Farinet du côté de la tour penchée, au pied d'une paroi de rocher. Il était couvert de sang, la tête et le corps fracassés, ayant fait une chute de plus de 100 mètres. On n'a jamais pu savoir si on lui avait tiré dessus, car il avait des ennemis, ou bien s'il n'avait pas simplement glissé dans les pierres, bien qu'il eût bon œil et bon pied, et qu'il connût comme personne dans leur moindre recoin toutes les montagnes du pays. Il était parti seul cette fois-là, et ils ont dit depuis, des hommes qui travaillaient un peu plus bas dans la forêt, qu'ils avaient entendu plusieurs coups de feu au cours de la journée. Mais peut-être bien était-ce le père Farinet qui les avait tirés lui-même. On n'a jamais su, il n'en laissait pas moins une femme et 5 enfants, en sorte qu'il avait fallu que Maurice, qui était l'aîné, allât gagner sa vie. Il se louait pour la saison, il allait faire des coupes de bois l'hiver dans la forêt, ou bien l'automne, la vendange à la plaine. À cette occasion, en effet, beaucoup d'hommes de la montagne descendent pour un mois ou deux et sont brantards ou pressureurs, ce qui leur fait un peu d'argent. C'est ainsi que vers sa 20e année, Maurice avait été engagé par un nommé Romaillé, qui était un des 4 municipaux de Miège. C'est ce qu'on disait dans les journaux, entre autres choses. Ce qu'on ne disait pas dans les journaux, c'était les raisons que Farinet avait eues de ne pas remonter chez lui, une fois les vendanges faites, et il n'y était jamais remonté. Son père n'avait point laissé d'argent et peu de biens, de quoi devaient vivre sa mère et 4 enfants, outre lui-même, et là-haut c'était ou bien le travail, ou tantôt l'argent qui manquait. Ses frères étaient devenus grands, on n'avait plus besoin de lui, et il s'était trouvé qu'il avait fait à Miège la connaissance d'un vieil homme, nommé Sage, qui s'occupait d'aller cueillir dans la montagne toute espèce d'herbes et de plantes qu'il vendait aux pharmaciens. Le vieux Sage avait plus de 70 ans, il avait besoin d'un aide. Le père Sage habitait une petite maison construite sur l'emplacement des anciens remparts à quelque distance du village. Il y vivait seul depuis longtemps parce qu'il passait pour un peu sourcier et aussi sorcier, et qu'outre ses plantes, il cherchait de l'or. On assurait même qu'il en avait trouvé. Il y avait, paraît-il, dans le sommet de la chaîne qui domine Miège du côté du nord, à plus de 2500 mètres, une veine que le vieux sage avait découverte. Il avait fini par la montrer à Farinet. Le temps avait passé, le vieux sage, n'ayant ni enfant ni famille, s'était dit « Il me servira de fils, je lui lèguerai ma maison et puis où je trouve ma poudre ?» Et Farinet, lui aussi, s'était mis à récolter de la poudre. Seulement, tandis que le vieux sage se contentait de collectionner son or, ce qui faisait beaucoup de petits cailloux jaunes et de paillettes qu'il enfermait, tel quel, dans une cassette, Farinet, lui plus inventif, avait eu l'idée de confectionner des moules de plâtre et d'acheter un chalumeau. Et à la mort du vieux, il avait commencé à faire circuler ses pièces. Il y avait tout près de là, dans la gorge de la Salanche, une belle grotte, bien sèche, laquelle communiquait avec la cave de la maison. C'est là qu'il avait installé son atelier pour être à l'abri de toute surprise. Il était bien vu des gens, parce qu'on croyait à son or et parce qu'il était généreux. Le malheur avait été seulement qu'une fois, il avait passé la frontière, ayant beaucoup de pièces à écouler. Le malheur avait été qu'il avait cru qu'il lui serait plus facile, car il en avait pour une assez grosse somme, d'aller changer ses pièces à Aoste, qui est sur territoire italien, de l'autre côté du Grand Saint-Bernard. C'est à Aoste qu'il s'était fait prendre. La gendarmerie n'avait pas eu de ménagement pour lui, la justice moins encore. Il avait été condamné à 6 ans de maison de force, dont il avait fait plus de 2 avant de réussir à s'évader. Il se rappelait la dureté et les difficultés du retour. Toute une nuit et tout un jour, il s'était traîné dans les pierres ou à travers les flaques de neige, au-dessus de toute végétation, sans trouver nulle part rien à manger. Il lui avait fallu prendre en pleine montagne, bien au-dessus du col qui est gardé, et qu'il avait fini par apercevoir dans l'après-midi, avec son petit lac et l'hospice, à plusieurs centaines de mètres au-dessous de lui, se cachant derrière un quartier de roc, puis se glissant en rampant jusqu'au quartier de roc le plus voisin, tandis qu'une eau glacée suintait de dessous chaque dalle, et il avait les mains et les genoux dans l'eau, et partout où il y avait une dépression, elle était encore pleine de neige, bien qu'on fût au cœur de l'été. Il n'avait rien mangé depuis la veille au soir, et nulle part ici rien ne se présente qui puisse être un secours à l'homme qui a faim. Nul arbuste, ni la moindre baie, ni aucune des productions de la terre. Ce qui le soutenait, c'est qu'il comptait bien arriver à la nuit chez lui, où il pourrait se remplir le ventre et dormir sans sou en compensation, et aurait chaud et serait sous son toit, parce qu'il était sous le ciel tout près des nuages qu'il aurait pu toucher de la main quand il passait. Voyant au bord du petit lac, sur le chemin, 2 religieuses en robe noire qui faisaient leur promenade, et un peu plus loin, le petit bâtiment de la douane, avec un douanier pas plus grand que le petit doigt debout devant, ah ! Déjà alors, il fallait se cacher. Ah ! Il fallait être prudent. Il rampe encore sur sa haute falaise et sur la crête de la montagne même, à une grande distance des lieux fréquentés, faisant taire son estomac, et ainsi, masqué un moment, puis reparu, puis redisparaissant, il avait commencé à descendre, continuant à se tenir bien au-dessus du chemin dans le grand désert de pierres peintes que c'est d'abord, puis l'herbe se montre, enfin le soir était venu. Il se tenait au-dessus du village qui était juste au-dessous de lui. Il s'était placé de telle façon que leur maison était la première qu'il dut rencontrer. Il avait attendu qu'il fît nuit, il faisait taire son estomac en posant sa main dessus, mais se disait « plus qu'un moment ». Il avait fait sombre, on avait vu briller une lumière à la fenêtre de l'écurie, alors il s'était avancé. Il avait reconnu son frère Antoine, il l'avait appelé, mais on avait vu Antoine qui ouvrait la bouche toute grande dans sa surprise, puis « Antoine, c'est toi ? D'où sors-tu ? » « Écoute, disait Maurice, cache-moi vite, je te raconterai plus tard. » Il se dirigeait vers la porte de la maison, mais Antoine « n'entre pas, viens avec moi. » Il lui avait montré un vieux fenil qui était là, tout à côté. La fatigue et la faiblesse de Farinet étaient tellement grandes qu'il s'était laissé faire. Il disait « As-tu à manger ?» Antoine avait été lui chercher de quoi manger et de quoi boire, et pendant qu'assis dans le foin, Farinet mangeait. « Il vaut mieux que tu n'entres pas, » disait Antoine. « Ici, c'est un passage, c'est plein de gendarmes. Tu n'y serais pas en sûreté. Mange et repose-toi, et puis... » Farinet mangeait. C'est pourquoi il ne répondait pas. « Oh, on a su par les journaux, » disait Antoine. « Tu viens de là-bas. » Il faisait un mouvement de tête qui désignait l'autre côté de la frontière. « Alors quoi, tu t'es sauvé ? Eh bien, il te faudra trouver un endroit où tu sois mieux caché qu'ici. Parce qu'ici... » Farinet mangeait toujours, c'est pourquoi il ne disait rien. Puis, il s'est laissé tomber sur le foin. Il a dit seulement « Et la mère ? » ?»« Oh, elle ne se lève plus depuis longtemps. » « Et Apolline ?» Marié. Et Léonie aussi. Et Jérôme, il est en place. Alors, il avait tout compris, bien qu'à moitié endormi déjà. Antoine était désormais le maître dans la maison. Il entendait bien le rester, car il reprenait. Tu comprends, depuis longtemps qu'on ne t'avait pas revu, combien y a-t-il ? Eh bien, il s'est passé des choses. Ça ne fait rien, disait Maurice. J'aurais bien voulu dire bonjour à la mère. Mais Antoine, il vaut mieux pas. ça lui ferait de l'émotion. Et puisqu'il te faudrait partir quand même tout de suite. » Farinet dormait déjà, n'avait pas entendu la suite. Même le lendemain matin, il avait fallu qu'Antoine le secouât à plusieurs reprises, lui ayant apporté des habits, du linge frais et 20 francs. Il avait changé d'habits et de linge, il avait pris les 20 francs. Oh, il se rappelait bien son retour à Bourg-Saint-Pierre après la dure traversée de la chaîne. Puis voilà qu'il s'était retrouvé dans les montagnes comme devant, pendant que le jour se levait. Mais peut-être que ça valait mieux ainsi, comme il se disait, parce qu'on se serait chicané, et puis il aurait pu me dénoncer à la justice pour se débarrasser de moi. Seulement, maintenant, qu'est-ce qu'il allait faire? Il y avait 2 solutions. Il pouvait d'une part retourner à Miège, où il avait sa grotte, tout son attirail à faire de l'or, et où il serait bien caché. Mais aussi, d'autre part, il pouvait se rendre à Sion, qui est une capitale, c'est-à-dire une ville, c'est-à-dire beaucoup d'habitants, avec beaucoup de maisons, et où il ne serait pas remarqué. À Miège, on saurait tout de suite qu'il était là. À Sion, personne ne saurait rien, ce qui semblait préférable pour le moment, car le gouvernement italien devait avoir déjà prévenu le gouvernement du Valais. Sa barbe recommençait à pousser, il laisserait pousser sa barbe, il avait à présent des habits comme ceux que portent les gens du pays, il était du pays, il avait l'accent du pays, finalement, il s'était décidé pour Sion. Personne ne l'avait reconnu. Tout s'était bien passé, sauf qu'au bout de 3 ou 4 jours, il n'avait déjà plus d'argent. Alors, un soir, il était parti et il avait fait en moins de 3 heures le trajet de Sion à Miège dans l'intention d'y prendre de ses pièces, dont il avait une cachette. Mais tout dans la maison était sans dessus-dessous parce qu'on y avait perquisitionné. Arrivé au milieu de la nuit, il était reparti tout de suite, pris de peur. Ayant glissé une de ses pièces dans son porte-monnaie et les autres dans un sachet de cuir qu'il portait à son cou. Tout de suite, il s'était mis sur le chemin du retour, besognant de nouveau dans l'ombre, parmi la rocaille, ou à travers les prés, ou dans les vignes, loin des chemins, de sorte qu'il avait été rentré à Sion à la pointe du jour. C'était l'heure où les cafés commençaient à peine à s'ouvrir, tandis qu'il en cherchait un qui fût tranquille et écarté, ayant faim et soif. Il était arrivé ainsi dans une ruelle où une forte fille, qu'il n'avait vue tout d'abord que de dos, était en train d'ôter les volets d'une devanture au-dessus de laquelle on lisait sur une enseigne, en lettres jaunes, « Café de la Croix-Blanche ». Elle levait les bras, décrochant l'un après l'autre les panneaux de bois qui protégeaient le vitrage. Il avait dit « Est-ce qu'on peut prendre quelque chose ?»« Bien sûr », avait-elle dit sans s'être retournée, « vous voyez bien que c'est ouvert ». Il s'était d'abord assuré d'un coup d'œil qu'il n'y avait personne qu'elle à l'intérieur du café. Il avait été s'asseoir dans le fond de la salle, qui était étroite et toute en longueur, ayant pris soin encore de tourner le dos à la porte. La grosse fille revenait. « Donnez-moi 1/2 litre de fendant, avec une ration de pain et de fromage. » Il ne l'avait toujours pas regardé. C'est elle qui, en s'en allant, l'avait regardé. Et elle n'avait rien dit, mais avait été chercher le vin, un verre, une assiette et un couteau, puis sur une autre assiette, un gros morceau de pain et une ration de fromage. Et étant revenue, elle avait encore posé sur la table de la moutarde dans un pot, profitant chaque fois de l'occasion pour le regarder à la dérobée. Il baissait prudemment la tête. Comme il avait gardé son chapeau, on ne pouvait guère voir de sa figure que sa barbe qui repoussait. Il était naturellement silencieux, parce qu'il n'avait eu qu'à laisser parler son appétit. Il taillait avec le couteau dans le pain, il vidait son verre d'un coup, il coupait son fromage en carrés qu'il portait à sa bouche en même temps qu'un morceau de pain. Il s'était reversé à boire, il levait le coude, puis, ayant passé la main sur sa courte moustache, il se remettait à manger. C'est ainsi qu'il n'avait pas vu que la servante continuait à l'observer pendant que ses doigts, bien habitués, allaient tout seuls parmi la laine et les aiguilles qui faisaient un petit bruit clair. Elle était assise près du comptoir, tournée vers lui. Et ce fut quand il eut fini de manger, parce qu'il avait levé la tête. En même temps, il l'avait reconnue. En même temps, il avait vu qu'elle le reconnaissait. Il n'a rien dit. Il s'était seulement levé à demi, ne songeant plus qu'à vider les lieux. Mais ayant pensé tout à coup qu'il n'avait pas payé son dû, il s'était laissé retomber sur sa chaise. Car il n'y avait pas moyen de faire autrement que de payer avec une de ses pièces. Il avait sorti son porte-monnaie, puis, faisant semblant de fouiller dedans sans lever les yeux, « Mademoiselle, pourriez-vous peut-être me changer 20 francs ?» On avait répondu, « Oh, je crois que oui. » Il avait posé la pièce à côté de lui sur la table. Il a entendu qu'on venait, qu'on prenait la pièce. Il avait eu peur qu'on ne l'examinât d'abord, sa pièce, mais non, à peine l'avait-on regardée. Et voilà à présent qu'on sortait de la salle à boire par une porte qu'il y avait derrière le comptoir. Dans son trouble, la première chose qu'il avait faite avait été de se mettre debout. Il avait pensé qu'il aurait le temps de gagner la rue avant que la fille revînt. Puis voilà quand même qu'il s'était rassis, se disant que se sauver ainsi, en abandonnant son argent, c'était tout avoué. La fille n'aurait qu'à appeler, on se mettrait à sa poursuite. De toute façon, il valait mieux attendre en se confiant à sa chance. D'ailleurs, la servante revenait déjà, elle lui avait dit « ça fait 1,70 franc ». Puis, posant une à une les pièces devant lui, « voilà qui en fait 2, et 1,3, et 1,4, et 1,5. Et 5, ça fait 10, et 5, 15, et 5, 20. Merci bien. » Des pièces de nickel et d'argent, dont il a vite fait le compte d'un coup d'œil, puis il a dit « c'est bien ça », ayant rouvert son porte-monnaie, où il avait fait glisser toute cette monnaie, sauf une pièce de 20 centimes qu'il avait gardée entre ses doigts. Il avait déplacé sa chaise, et en se levant, « voilà pour vous. « Oh, monsieur Farinet !» On l'avait appelé par son nom, il s'était retrouvé assis. « Oh, pas ça, monsieur Farinet, ça m'a fait trop plaisir déjà !» Une voix basse et un peu triste, tandis qu'on repoussait les 20 centimes de son côté, alors il l'avait regardé. « Ah !» Elle hochait la tête, il avait dit. « Ah, comment ? Est-ce que vous savez ? Oh, je vous ai bien reconnu !» Il a dit. « Moi aussi, il me semble que je vous reconnais. » « Joséphine Pélanda, vous ne vous souvenez pas, à Miège, chez Critin, je faisais un remplacement. Il va y avoir 3 ans de ça. Ah, dit-il, c'est vous, je vous remets. » Et puis aussitôt, il a demandé, « Et vous savez ?»« Bien sûr, dit-elle, comme tout le monde, parce qu'on a parlé de vous dans les journaux. » Alors, a-t-il dit, « Il faut que j'aille. » « Mais non, a-t-elle dit, pourquoi ? À moins que vous ne soyez pressé. Vous êtes ici chez des amis. » « Vous ne savez pas, eh bien, votre pièce, je la garde. J'en voulais une depuis longtemps. » Alors, un poids énorme lui avait été ôté de dessus la poitrine, comme quand un homme a été pris sous un tronc d'arbre et on est venu avec un cric. « C'est vrai ? Oh oui, et il y en a beaucoup comme moi, parce qu'on sait bien que c'est de l'or, parce qu'on sait bien que vous ne trompez pas le monde. Ça, a-t-il dit, c'est la vérité. » Elle était toujours debout à côté de lui qui était assis, de sorte qu'il devait lever la tête, et c'était elle à présent qui baissait la sienne. Une grande fille, plus très jeune, un peu forte, ayant un corsage gris foncé à col de velours noir montant, la figure tachée de rousseur, les cheveux soigneusement tirés en arrière, il était facile de voir que ce qu'elle disait elle-même était l'exacte vérité. Il se rassurait donc en même temps qu'il était flatté, alors, car voilà comment il était, il a repris. « Si vous en voulez encore une de mes pièces, c'est facile, parce qu'à présent, j'en ai. J'ai justement été en chercher cette nuit. »« Oh, dit-elle, cette nuit ?» Et il fouillait pendant ce temps sous sa chemise. « Oh, monsieur Farinet, jamais ?»« Que si, dit-il, en souvenir, puisque vous m'avez si bien reçu. Tenez !» Il avait posé une seconde pièce sur la table. Elles étaient un peu trop jaunes, ces pièces, ou d'un jaune un peu trop clair. Elles étaient moins rouges que les pièces du gouvernement. Mais c'était justement ce qui prouvait leur qualité, disait-il, et on le croyait, parce que les pièces du gouvernement étaient un alliage d'or et de cuivre, et les siennes d'or et d'argent. Elle disait « Oh, jamais je n'oserais !» Il disait « C'est pour me faire plaisir !» Alors, dit-elle, « Laissez-moi vous apporter une bouteille. »« Est-ce que c'est prudent, le patron ?»« Oh, il n'est jamais là avant 9 heures. Et puis même s'il venait, je crois bien... »« Oh !» dit Farinet. « Oui, il vous connaît sans vous connaître. Il a souvent entendu parler de vous. C'est aussi un de vos amis. Ah, c'est que vous en avez, monsieur Farinet, des amis. Mais s'il venait des clients, on les laisserait entrer. » La pièce était restée sur la table. Joséphine avait été chercher une bouteille de vin bouché, le meilleur qu'il y eût dans l'établissement. Elle avait apporté 2 verres à pied. Elle était en même temps timide et assurée. Elle lui disait « Ça ne vous va pas, cette barbe ?» « Qu'est-ce que vous voulez, si ça empêche qu'on me reconnaisse ?»« Ça n'empêche pas. »« Non, peut-être pas vous, mais les autres, les gendarmes. Et si on envoie mon signalement ?» Elle lui avait dit « Où est-ce que vous logez ?» Il disait « Nulle part. J'ai changé tous les jours jusqu'à présent de domicile. » Elle disait « Écoutez, si vous logez ici, il y a des chambres dans la cour. C'est que je n'ai point de papier. Ça ne fait rien, disait-elle. Vous êtes du pays ou quoi ? Et puis le patron, eh bien, je suis sûre que le patron sera d'accord. Il faudra seulement que je lui parle, bien entendu. » Il avait été convenu qu'il reviendrait l'après-midi. Alors, tout avait été facile pour lui, trop facile, après qu'il s'était échappé des prisons d'Aoste les premiers temps. Il n'avait pas été seulement protégé, mais encore soigné et gâté. Elle n'était plus toute jeune, ni bien belle, se disait-il, mais elle était bonne. Alors, il s'était laissé faire, c'est-à-dire qu'il se laissait gâter et protéger, payant sa chambre avec ses pièces. D'accord avec le patron, il se faisait passer pour un cousin de Joséphine. Il avait d'abord été prudent, et puis, il ne l'a plus été. Les premières semaines, il ne s'était montré en ville qu'après la tombée de la nuit. Mais ensuite, comme personne n'avait eu l'air de le remarquer, il s'était mis à sortir à toute heure du jour, ayant même poussé à deux ou trois reprises jusqu'à Miège. Il s'était dit que la justice devait l'avoir oublié, si bien que malgré Joséphine, il avait été chassé avec ses amis à deux reprises, ce qui l'avait mené jusqu'à la foire des vendanges qui se tient à Sion vers le milieu de septembre. On vend des vers de bois, des bottis en mélèze, des peaux de bouc avec leurs poils, des cuirs de veau, des harnachements de mulets, tout ce qu'il faut aussi pour la récolte du raisin, le pressurage, les travaux de cave. On y vendait des broches pour les filles, des fichus de soie, des souliers. Sur la grande place où était exposé le bétail qui venait de descendre de la montagne, il y avait eu, jusque vers midi, beaucoup de monde. Ensuite, c'est dans les cafés qu'il y avait eu beaucoup de monde. C'est alors que tout s'est gâté. Farinet a reconnu depuis qu'il y avait eu de sa faute. Il devait pourtant bien savoir que la police le recherchait. Et c'était pourtant bien l'occasion ou jamais de prendre quelques précautions à cause de tous les inconnus dont la croix blanche était bandée. Mais, mis en confiance par 2 mois de liberté et de facilité trop grande, loin de songer à se cacher, Farinet était paru dès midi à la Croix-Blanche, s'était assis tout ouvertement à une des tables où il avait mangé et bu avec ses amis Chara et Ardeva. Aux tables voisines, il y avait des gens de Miège qui l'interpellaient. « Hé, Farinet, tiens, c'est vous, comment ça va ?» Il buvait à sa santé, il disait « À votre santé, Farinet !» Il lui disait « Qu'est-ce que vous faites par ici? Pourquoi ne venez-vous pas chez nous? On vous attend !» Et le nom, prononcé tout haut, et même crié à plusieurs reprises, s'était répandu dans tout le café, n'étant déjà plus inconnu, même pour les indifférents, à cause des entrefilets parus dans les journaux. Il faut dire que Farinet n'était plus tout à fait de sang-froid. Il avait continué de boire à la Croix-Blanche toute l'après-midi et à une des tables du fond de manière à pouvoir s'échapper quand même en cas d'alerte par derrière. Mais les gendarmes sont des gens renseignés. Ils sont arrivés à la fois par la rue et par la cour. Tout à coup, il y en a eu 2 à la porte de derrière, 2 à la porte de devant. Farinet était donc dans le fond du café, tournant le dos à la porte d'entrée, mais c'est l'autre porte qui, à un moment donné, s'était ouverte, et un sergent, avec ses galons d'or sur ses manches de drap noir, un revolver à la ceinture, était paru. Il avait fait le salut militaire, il avait dit que personne ne bouge. Le bruit des voix et des rires avait soudain baissé pour se taire enfin tout à fait. Le sergent s'était avancé dans un grand silence. Un autre gendarme sans galon s'était montré dans l'encadrement de la porte restée ouverte derrière lui. Le sergent avait été droit à Farinet. « Vous avez vos papiers ?» Farinet s'était levé. « Je sais ce que c'est. » Ça se passait vers le milieu de septembre. Chapitre 4. Ce fut seulement le surlendemain du jour de sa seconde évasion que les gendarmes arrivèrent à Miège, parce qu'il semble bien que les recherches aient d'abord été poursuivies dans les environs de Sion, où on savait qu'il s'était longtemps tenu caché. Ici, on est à 2 ou 3 lieues de Sion, on est au flanc de la montagne, on est dans un endroit où il n'y a pas grand-chose à manger. Le village de Miège n'est qu'un très petit village. C'était plutôt dans le temps une espèce de forteresse, dont il reste quelques murs et des débris de tours. Alors, à l'intérieur de ces murs, on avait bâti une rue, dont on voit encore les maisons se suivre à moitié ruinées et inhabitées. À part quoi, par derrière, et sur la pente de la montagne, il n'y a que quelques chalets et quelques fenils formant une ruelle qui fait angle droit avec la rue. C'est tout. C'est assez pauvre. La plaine est trop marécageuse pour fournir autre chose qu'un peu de mauvais foin qui sert à la litière. Il n'y a guère pour vous faire vivre que les vignes qui sont bonnes et les pâturages d'en haut, mais peu de monde et assez petitement, de sorte que le village ne compte guère plus de 200 habitants, c'est-à-dire beaucoup moins qu'autrefois. Pendant qu'on est là quand même comme un poste d'observation, ayant par derrière la montagne, au levant une gorge, au couchant un mur avec une porte, le vide de la plaine devant soi. On a pu voir les gendarmes venir de loin ce surlendemain dans la matinée. Nous, on a fait semblant de rien. On les a vus arrêter une femme sur la route dans la plaine, mais elle non plus ne devait rien savoir puisqu'elle secouait la tête. Ils sont venus, ils se sont approchés du vieux Bruchet qui se chauffait au soleil devant chez lui. C'était une grande maison bleue à 2 étages, et justement une de celles qui ne tenait plus guère debout, de sorte qu'il y avait dans la façade une grande lézarde qui, partant d'un cadran solaire, la traversait obliquement jusqu'au toit. Mais la canne entre les jambes et la tête en avant sous son chapeau couleur de rouille, le vieux Bruchet laissait parler le sergent, sans avoir même l'air de comprendre, puis a haussé les épaules par 2 fois. Ses vieilles mains grises, toutes couvertes de taches d'encre comme du papier buvard qui a longtemps servi, n'avaient pas quitté leur position. Il y avait sur le rebord d'une des fenêtres des œillets mis en terre dans un pot de chambre. Les gendarmes avaient monté la ruelle. On aurait pu croire maintenant que le village était abandonné. Nulle part, on n'apercevait plus personne. Quelques femmes, un instant parues sur le pas de leur porte ou sur un perron, étaient précipitamment rentrées chez elles. Les enfants étaient à l'école, les hommes devaient être dans les vignes ou dans les champs. Et les gendarmes s'étaient rendus chez le président, qui se trouva n'être pas chez lui, lui non plus, de sorte qu'il fallut aller le chercher pendant que les petits rideaux aux fenêtres des maisons voisines étaient soulevés l'un après l'autre. Le président avait eu une longue conversation avec le sergent. Le président ensuite avait accompagné les gendarmes jusqu'à la maison de Farinet. Elle était en dehors du village, au levant. Les 4 hommes durent marcher un bon moment encore parmi des éboulis coupés de murets, derrière lesquels on avait planté quelques ceps de muscat. Plus à droite, au bord de la gorge, une tour cassée en biseau faisait penser à une vieille dent. C'était là parmi les cailloux, et la maison elle-même n'était guère qu'un tas de cailloux sous un toit fait de grosses pierres plates qui se montraient à peine hors d'un fouillis de branches. Il faut croire que la perquisition n'avait rien donné, car elle ne dura pas longtemps. Les 4 hommes étaient revenus. Le président faisait voir une très grande complaisance parce qu'il continuait d'être avec les gendarmes et a continué tout le matin d'être avec eux. Ils redescendirent tous les 4 la ruelle, puis on les avait vus tous les 4 prendre la direction du café de Critin. Les 2 ou 3 clients qui étaient dans la salle à boire avaient pu s'échapper à temps par la porte qui donnait sur les jardins. Il n'y avait donc eu que le patron pour vous recevoir, un gros homme dont le ventre en forme de sac faisait aller en avant la chemise. Malgré sa ceinture de cuir, son pantalon ne tenait pas. Tout le temps, il le remontait. Il était allé à la rencontre des gendarmes dans le corridor sans avoir l'air trop étonné de leur présence. Et, tout en tirant sur ses poches pour remonter son pantalon, « Non, disait-il, non, je ne l'ai pas vu. Je ne sais rien. » Il semblait parfaitement rassuré, parfaitement à son aise. « Vous ne voulez pas vous asseoir, messieurs? Qu'est-ce qu'on pourrait vous servir ?» Mais le sergent n'avait pas eu l'air d'entendre. Ils n'étaient pas du pays, et les 2 gendarmes non plus. On les avait fait venir de Sierre, comme on l'a su depuis, parce que le poste de Sierre est à l'autre bout de la vallée. Ils sont restés debout, le patron de même, le président pareillement, et c'est alors que le sergent avait tiré de sa tunique des papiers à écusson officiel. Après quoi, ayant ôté son képi et l'ayant posé sur la table, il a déplié une de ses feuilles qui était son mandat d'arrêt. Le patron continuait à secouer la tête. « Vous le connaissez pourtant bien. »« Oui, » disait Critin, « mais il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. » On n'avait pas pu en tirer autre chose. « C'est que ce n'est pas tout, » avait repris le sergent. Il regardait Critin dans les yeux. « Vous ne connaîtriez pas peut-être une nommée... » Il avait semblé avoir de la peine à lire le nom, puis brusquement, « Joséphine Pélanda. »« Sire, dit le patron. « Ah !» dit le sergent. « Où est-elle ? » ?»« Ici !» dit le patron. Il continuait à ne paraître nullement troublé ni inquiet, ayant gardé un air tout ce qu'il y a de plus naturel, comme quelqu'un qui n'a qu'à dire la vérité. Et le sergent lui ayant demandé encore « Ici, qu'est-ce qu'elle fait ici ?»« C'est ma servante, » dit le patron. « Votre servante, depuis quand ?»« Voyons, » dit ce crétin, « depuis 3 ans, 3 ans et demi. »« Alors, qu'est-ce qu'elle faisait à Sion, ces jours passés ?»« Elle avait été voir sa mère. » »« Elle est restée combien de temps, chez sa mère ?»« 5 ou 6 mois, » dit le patron. Il n'hésitait pas un instant, parce qu'il continuait en somme à ne dire que la vérité, et que la vérité est toujours facile à dire. De sorte que, quand cette nouvelle question est venue, il n'a rien répondu encore qui ne fût exactement vrai, si on voulait. « Et quand est-ce qu'elle est rentrée ?»« Avant-hier. À quelle heure ?»« Vers les 5 heures. »« Ah ! » dit le sergent. « Est-ce qu'on peut la voir ?»« Bien sûr, je vais vous la chercher. » Les deux gendarmes, cependant, s'étaient décidés à s'asseoir, ayant ôté leurs képis, eux aussi. Ils les avaient posés, la visière en l'air, sur une des tables, ce qui permettait de voir leurs deux dents rouges en fausse soie. Le président s'était assis à son tour, le sergent était resté debout, ses papiers dans une main, s'épongeant le front de l'autre, personne ne disait plus rien. Une pendule à caisse craquait, et puis craquait, et puis craquait, chaque fois que la lentille de cuivre passait derrière la vitre ronde. Les murs étaient peints à la détrempe, mais le bleu en avait été usé par suite du frottement des têtes et des épaules un peu au-dessus des bancs. Il y avait tout autour de la salle des taches blanches en forme de bandes sous 2 ou 3 affiches ou tableaux dans des cadres. Quelques-uns étaient sans cadre et fixés aux 4 coins par des clous mal enfoncés. On avait entendu le pas du patron s'éloigner. Ensuite, on n'avait plus rien entendu du tout que la pendule, et un peu de temps avait passé. Puis voilà qu'un bruit de pas avait recommencé à se faire entendre, en sens inverse, dans l'escalier, se rapprochant rapidement. Alors le sergent avait remis son mouchoir dans sa poche, et Joséphine était entrée, pendant que le patron derrière elle refermait la porte soigneusement. Elle a été devant nous, elle n'avait salué personne, et personne ne l'avait saluée. Puis s'est mise à attendre, les mains croisées sur son tablier. Tout s'est passé très officiellement parce que le sergent la regarde, jette un coup d'œil sur ses papiers, la regarde de nouveau plus en détail et de la tête aux pieds, allant consulter chaque fois la feuille où il y avait des choses écrites à côté de choses imprimées. « Vous êtes bien la nommée Pélanda, Joséphine ?»« Oui. »« Née à Sion, en temps ?»« Oui. »« Le 24 mars ?»« Oui. » Célibataire ? Il la regarde. Oui. Il a consulté de nouveau ses papiers. Votre profession ? Servante. Vous êtes en place ici ? Oui. Depuis quand ? Il y a eu 3 ans à Pâques. Vous n'avez jamais quitté votre place ? Si, souvent. Pourquoi ? Il la regarde. Elle continuait de le regarder. Elle n'a nullement détourné ses yeux, qui étaient noirs et petits, dans une grande figure brune, toute simple. Il n'avait même pas changé d'expression, faisant voir à la fois beaucoup de calme, de la pitié, de la patience et du défi quand même. Parce que j'ai ma mère à Sion et qu'elle est vieille et souvent malade. C'était vrai, mais elle habitait chez une autre de ses filles qui était mariée et pouvait s'occuper d'elle. Alors a-t-elle dit « elle a besoin de moi ». Vous y étiez quand la dernière fois ? La semaine dernière ? Il y aurait donc déjà 4 jours que vous êtes rentrée. « Non, je suis rentrée avant-hier. »« À quelle heure ?»« À 5 heures. »« Où est votre chambre ?» Et le sergent avait dit au patron « On va y aller voir. » Le banc où étaient assis les gendarmes fit un grand bruit en tombant parce qu'ils s'étaient levés tous les deux en grande hâte. Le patron allait en tête, Joséphine et le sergent suivaient. Ensuite venaient le président et les deux gendarmes. C'était une pauvre chambre mansardée dont les murs sans papier montraient leur plâtre plein d'écorchures, tout piqué de noir par les mouches, un petit lit de fer, une table de sapin, une chaise paillée en constituaient tout le mobilier. Le sergent, sans rien dire, s'était approché du lit qu'il a découvert et dont il a arraché la couverture, puis les draps. Il avait retourné ensuite les oreillers et le matelas. Il a fait tirer le lit au milieu de la pièce par ses hommes pour bien s'assurer encore qu'on n'avait rien caché dessous. Il avait ouvert le placard, il était vide. restait une valise en toile rousse qui était ouverte dans un coin. Il en avait jeté le contenu sur la table. C'était du linge de femme. Le sergent prenait une à une les pièces de linge et les vêtements qu'il passait à ses hommes, lesquels les secouaient de manière à faire tomber les objets qui auraient pu y être dissimulés. Une chemise de grosse toile à manches demi-longues, une autre chemise, deux ou trois paires de bas tricotés à la main, un jupon, un caraco noir, des fichus, quelques mouchoirs. Elle baissait légèrement la tête maintenant en faisant silence, et le patron faisait silence comme le président et les gendarmes. « Vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas des pièces. C'est que vous êtes signalé. Montrez-moi vos poches. » Tout à coup, les yeux de Joséphine ont brillé. Elle s'était contenue quand même, tout juste si elle avait fait un mouvement de côté, éloignant ses mains dans la plus grande mesure possible de celle du sergent. Puis elle s'est laissée faire. « Méfiez-vous, disait le sergent, parce qu'on va vous surveiller. Vous ne le connaissez pas, peut-être. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Non, vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'un nommé Farinet. Farinet, Maurice. « Oui, dit-elle tout à coup. Il venait de s'éloigner. Elle s'était redressée. « Oh oui, dit-elle, je le connais bien. Je le connais mieux que vous. » Elle s'était mise à rire tout haut pendant que le sergent sortait et les deux hommes. « Et je sais bien qu'elle s'est sauvée. Et tant pis pour vous, mais tant mieux pour lui. Et tant mieux pour nous, parce qu'on l'aime bien. Tout le monde l'aime bien, ici. » La voix courait après le sergent dans l'escalier. « Pas vrai, président ? Et vous, patron, qu'en pensez-vous ? » Puis on a entendu encore son rire. Mais déjà le sergent, avec ses deux hommes, était dans la rue, qu'il eut d'ailleurs bientôt quittée pendant qu'elle se peuplait miraculeusement. On disait « Eh bien ! » !»« Eh bien, naturellement, ils n'ont rien trouvé. » Ça faisait rire. Et naturellement, comme ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pu arrêter personne. Alors, ils sont repartis bredouille. On riait. « Où est-ce qu'ils vont ? » ?»« Oh, disait-on, ils vont continuer leur tournée. » Et on levait le bras dans la direction de la montagne qu'on ne pouvait pas voir à cause des maisons. « Sûrement qu'ils vont monter au chalet, parce qu'ils savent bien que c'est là-haut qu'il a son or. Par cette chaleur, et habillés comme ils sont, vous savez, c'est épais, c'est unique, et c'est noir, et ça a un col, sans compter qu'ils sont chargés. Le ceinturon, le fusil, le sac à pain, la baïonnette. Qu'est-ce que vous voulez ? À chacun son métier. Et s'ils le trouvent, là-haut, risque rien. » L'amusant, avec cette longue vue, c'est qu'on ne voyait rien d'abord de là-haut qu'un rond blanc piqué de points noirs. Un rond lumineux où il n'y avait que la lumière, un rond de jour vide de choses. Il fallait longuement faire glisser les tubes de cuivre l'un dans l'autre pour qu'elles parussent enfin les choses vagues et peu marquées au commencement, comme une buée, un peu de brouillard, bleu, gris ou vert, puis de plus en plus nettes, à mesure que devant son œil qu'il tenait appliqué au petit trou, Félicien arrivait à mieux régler la longueur de la lunette qui avait près de 2 pieds de long. Il faisait rentrer les tubes l'un dans l'autre, rien que pour le plaisir de les faire jouer, détruisant le monde, le reconstruisant. Il était là depuis midi, guettant l'arrivée des gendarmes. C'est une espèce de balcon. Quand Farinet était arrivé la veille au matin, tout de suite, le maître avait dit à ses deux garçons « Prenez la lunette ». Et depuis ce moment, il s'était relayé à cette pointe de pâturage qui avance sur le vide comme une proue de bateau au pont peint en vert au milieu des airs. Juste au-dessous de soi, mais à 1500 mètres plus bas, on voyait Miège, qui semblait être resté accroché avec ses quelques vieilles maisons, ses tours en ruine, ses remparts, au flanc de l'énorme talus où elle avait peu à peu glissé. Mais c'est qu'ici, tout glisse, ou tout a glissé une fois, sur ces lames de schiste qui se recouvrent l'une l'autre comme des feuilles de tôle. La terre y glisse, les pierres, les grosses pierres, les petites, et jusqu'au plus menu gravier y sont entraînées, toute la montagne descendant le long d'elle-même à mesure qu'elle s'effrite et s'use, et que les gelées la font éclater, la polissant de jour en jour davantage. C'est partout comme d'immenses tentes, ayant quelques-unes 3000 mètres de hauteur, à la toile parfaitement tendue, venant d'une seule pente jusqu'à terre, et où subsisteraient seulement de place en place quelques boursouflures, comme quand la toile sèche après avoir été mouillée, quelques traces de plis plus qu'à demi effacées, pendant qu'elles brillent d'un grand éclat au-dessus de vous. Sur les paliers seulement subsistait un peu de terre végétale, dans les cassures, dans les fissures, dans certaines poches pas encore usées jusqu'au fond. Là étaient des taches vertes, quelques buissons. Là se voyait un peu d'herbe, ou plus bas, des vignes. Mais ailleurs, tout était nu. De sorte qu'entre autres conséquences, rien ne venait masquer les lacets du chemin qui se superposaient à de très petites distances l'un de l'autre dans la roche où ils avaient été creusés à coups de mine par dizaines et centaines du village jusqu'à vous. « Allez seulement vous mettre où je vous ai dit », avait dit le maître à ses garçons. Puis se tournant vers Farinet, « Et toi, je te garantis que tu pourras dormir tranquille. » Les deux garçons avaient été prendre la lunette, puis avaient commencé à monter la garde dans le clair de lune. Pendant qu'il regardait la lune dans la lunette, s'étonnant de sa bouche et de ses yeux, mais le pays d'en bas était encore plus amusant à regarder, maintenant que c'était le tour de Félicien, et l'après-midi était commencé. D'abord, il n'avait rien distingué. C'était seulement un rond de jour semé de points noirs, comme quand on regarde une feuille de papier à la loupe. Ensuite, il y avait eu tout à coup, entre les pierres, sur une plaque de gazon, des fleurs de grandeur naturelle à une place où l'eau suintait, tachant de noir le schiste blanc. Il ôtait la lunette qu'il tenait devant son œil droit en fermant l'autre. À quelle distance pour l'œil nu ! Les jolies fleurs de la montagne, avec leurs couleurs éclatantes, plus bleues que le bleu, plus blanches que le blanc. Les crocus, la petite gentiane, plus jaunes encore que le jaune, comme la fleur de l'arnica. Mais il les avait oubliées déjà, parce qu'un nuage passait, et il visait le nuage. De nouveau, il visait la plaine. Il faisait une chute de 1500 mètres, qui n'est qu'un petit mouvement qu'on fait avec le gros bout de la lunette. Il voyait une digue en pierre sèche, entre des touffes de roseaux poussant dans un sable très fin, lisse comme de la porcelaine. L'eau faisait lever dans sa vitesse des vagues courtes à crêtes aiguës, qui se dépassaient l'une l'autre, blanches comme du vin qui vient de fermenter. C'était le Rhône. Il était très gros en cette saison, qui est celle de la fonte des neiges, et très élargi. Alors, quand on visait avec la lunette dans son milieu, il paraissait sans bord. Il devenait démesuré, comme si toute la plaine eût été recouverte de son inondation. C'était comme si tout le fond de la vallée eût été lui-même en mouvement et descendait sous ce déluge. Pendant qu'une vieille petite église ayant un clocher à 6 pans venait aussi avec ses tuiles jaunes, sa tour, la route, un petit enfant en chemise qui était en train de mordre dans un gros morceau de pain. Tout à coup, Félicien repensait au gendarme. Il lui fallait pencher la lunette et la rapprocher de sa personne, de sorte qu'il la tenait presque appliquée à sa personne, regardant entre ses genoux. De lacet en lacet, Félicien remontait soigneusement toute la pente, qu'il descendait ensuite de lacet en lacet, et c'est ainsi que vers les 2 heures, ces 3 points noirs s'étaient soudain marqués à côté de la petite vigne de muscat qui est à côté de la tour, sortant de derrière un talus. Félicien n'avait eu que quelques pas à faire pour prévenir ceux du chalet, ayant mis ses mains en rond autour de sa bouche. Il avait vu son père sortir, puis 3 des hommes. Ils étaient accourus à faire de rire un peu, le père en tête avec sa grosse barbe. On voyait les 3 points noirs, on ne les voyait plus, on les voyait de nouveau. Les 5 hommes s'étaient couchés à plat ventre, et ils se passaient la lunette. Les gendarmes n'arrivèrent qu'assez tard dans l'après-midi. Le maître était en train de rallumer le feu. Les hommes dans le pâturage s'occupaient à rassembler le troupeau, appelant les bêtes dans le pâturage en levant leur fouet comme tous les soirs. Et elles viennent ou s'attardent, et elles font des groupes ou sont isolées. Elles font des points bruns dans l'herbe encore épaisse et douce des commencements de l'été, au-dessous des grands rochers blancs. Quelques-unes parmi les plus jeunes, prises de folie, partent au galop en faisant sonner leurs cloches. Il fallait leur courir après. Et oh ! C'est à ce moment que les gendarmes étaient parus. Ils ont eu l'air, ceux du chalet, tout étonnés de voir les gendarmes. Le maître, le premier, semblait tout étonné, tandis qu'il s'avançait jusque sur le pas de la porte. Il leur a dit bonjour parmi sa grosse barbe, mais il a fallu qu'il poussât sa voix à cause des sonnailles venant dans l'air toutes ensemble, avec un bruit comme celui d'une chute d'eau. Le sergent s'était arrêté, le maître et le sergent avaient commencé une conversation. Lui, debout sur le pas de la porte, les gendarmes à quelques pas de lui, et derrière le maître, le feu sur le foyer bougeait en rouge comme un bouquet agité par le vent contre le noir du mur verni de suie. Lui, calme dans sa barbe, le sergent, tout rouge, sous le képi, avec sa moustache tombante, le col de sa tunique dégrafé et les trois boutons d'en haut de sa tunique défaits de même sur sa chemise, blanc de poussière comme ses hommes. Et le maître, « Bien sûr qu'on l'a vu, mais vous arrivez trop tard. » Il riait. « Si vous croyez qu'il va se laisser prendre comme ça. » Et levant le bras dans la direction des rochers, « Ça n'est pas la place qui manque par chez nous, ni les passages, ni les cols, ni les cachettes. Qui sait s'il n'est pas déjà chez les Allemands ?» Le troupeau arrivait, on le faisait entrer dans le parc, à peine si on pouvait s'entendre, de sorte qu'il fallut que le maître élevât encore la voix. « Mais entrez toujours, vous mangerez un morceau. » Le sergent n'avait pas refusé, ni ses hommes, ils ne firent pas de façon, étant en route depuis le petit matin, étant d'ailleurs là-haut hors de toute surveillance et à une telle distance des lieux habités que c'était comme si leur mission officielle prenait fin. Pendant qu'on commençait à traire dans le parc, ils redevenaient des hommes comme les autres, assis à la grande table, ayant seulement faim et soif, content de s'asseoir un moment à l'ombre, devant un litre de vin frais, la miche de pain noir, un quartier de fromage vieux. « C'est hier matin, disait le maître, hier, de bonne heure. » Il avait trinqué avec eux, puis debout devant eux, son verre à la main, on l'a vu, avec la longue vue. Oui, de l'autre côté de la gorge. Et quelqu'un qui connaît le pays comme lui, un coureur de montagne comme lui, un chasseur comme lui. Il riait dans sa barbe sans trop rire, ni trop le montrer, pendant qu'il se tournait avec sa barbe vers le sergent. « Et qui ne chasse pas rien que les chamois, disait-il, à ce qu'il paraît. » Il paraît aussi qu'ils n'ont pas su le garder à Sion. Il faut croire que la pension ne lui convenait pas. Il devait manquer d'air et manquer de place. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de la place. Beaucoup de place. Il riait. À votre santé. Puis, il a été jeté sur le foyer une ou deux grosses branches de mélèze, aussi tordues et noueuses que des souches de vigne, à l'écorce rose sentant bon, ayant sur leurs écailles de grosses perles blanches de résine. Le sergent n'avait rien répondu, il semblait tout occupé à boire et à manger, ses hommes aussi. Ils ont mangé et bu encore, puis ont allumé un cigare. On apportait le lait dans les sillons de bois, un lait beau blanc, un lait mousseux, et qui, versé de haut dans la chaudière de cuivre, s'ouvrait tout en tombant avec une surface plate et mince comme un linge. Le sergent se mit à dire « Eh bien, il nous faut aller, merci bien !» On ne parlait plus de Farinet. Lui, il ne les avait pas perdus de vue. Et c'est justement au moment où les gendarmes allaient quitter le pâturage qu'on a entendu cette grosse toux. C'est la montagne qui toussait. Il fallait renverser la tête fortement. Il fallait aller avec le regard par-dessus le chalet. Il fallait aller par-dessus la paroi de rocher qui le domine, qui commençait à être rose. Il fallait remonter plus en arrière les grands pans en toile blanchâtre, bien tendus, jusque dans le ciel. Là, il y avait un peu de vapeur blanche. Là, il y avait comme une petite colonne blanche. Elle y était déjà sans qu'on l'eût vue avant que vînt la détonation. Elle y était encore après que la détonation fût venue, vous obligeant à regarder. Elle était là, elle montait là, lentement, en penchant du bout, en s'élargissant du bout, ayant un chapeau comme un champignon, prenant peu à peu elle aussi une coloration rose, c'était Farinet qui faisait sauter son coup de mine, saluant ainsi les gendarmes au moment où ils allaient disparaître. Car le silence a été de nouveau rompu, et par trois fois les gorges et les parois au loin ont crié « Hourra ! Hourra ! Hourra !»